La famille de Zhu Wei, fille de Zhu Baozong, chinois lié à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et sa suite, ont déposé le 9 décembre un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Manso. Le même jour, elles sont arrivées à Pyongyang par train à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il.